I don't have the bucket truck. I have the backing truck. I have the backing truck on my side. On my side. On my side. On my side. On my side. Okay. It's 120 BPM. Okay, let me see. Voilà. Hola, Mosca. Ok. Alors, 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. Voilà. Allez, c'est parti. 1, 2. Non, pourquoi? Cause j'ai un VNB. Bah c'est bizarre parce que je suis connectée sur Paris là, ça dit. Oh, il est fou mon truc. Oui, donc je suis connectée via en VNP. Parce que je fais pas mal de recherches Google et puis ça me saoule. Enfin, je n'utilise plus Google. Please, everybody, don't use Google anymore. Use Ecosia. Alors, 3, 2. Sorry. Ok. Start the drum. Allez, Simon. Ah oui, VP, VPN. Qu'est-ce que j'ai dit? VNP. Je sais pas pourquoi. Je préfère VNP. Yeah. Woo. This is easy. Oops. Viadas. Give me more punch. Start at one. Is gone. Bravo Simon. Voilà. 3, 2, 1. Maybe I change this. Je suis toujours à 16. 1, 2, 3. Thank you. j'ai raté. Sorry, Simo. Scusa. C'est dommage, j'ai le backing track, mais je peux pas le passer dans le. Comment on fait dièse avec ce clavier ? Alors, A. Ah, mais non, c'est pas A. A normal. A, G. Ah, merde, c'est pas G. G dièse, C machin, minus 7. Bye bye, Biara. See you. Thank you.